Genèse chapitre 26. Or il y eut une famine au pays, outre la première famine qui avait été du temps d'Abraham, et Isaac s'en alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. Car l'Éternel lui était apparu, et lui avait dit, « Ne descends point en Égypte, demeure au pays que je te dirai. Demeure dans ce pays-là, et je serai avec toi, et je te bénirai, car je te donnerai, et à ta postérité, tous ces pays-ci, et je ratifierai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux, et je donnerai ces pays-ci à ta postérité, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta semence, parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a gardé mon ordonnance, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Isaac donc demeura à Guérar. Et quand les gens du lieu s'enquirent qui était sa femme, il répondit, « C'est ma sœur. » Car il craignait de dire, « C'est ma femme », de peur, disait-il, qu'il n'arrive que les habitants du lieu, ne me tuent à cause de Rebecca, car elle est belle, à voir. Or il arriva, après qu'il y eut passé quelques jours, qu'Abimélec, roi des Philistins, regardait par la fenêtre, et voici, il vit Isaac qui se jouait avec Rebecca, sa femme. Alors Abimélec appela Isaac, et lui dit, « Voici, c'est véritablement ta femme, et comment as-tu dit, c'est ma sœur ?» Et Isaac lui répondit, « C'est parce que j'ai dit, afin que peut-être je ne meure à cause d'elle. » Et Abimélec dit, « Que nous as-tu fait ? Il s'en est peu fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et que tu ne nous aies fait tomber dans le crime. » Abimélec donc fit une ordonnance à tout le peuple, en disant, « Celui qui touchera cet homme ou sa femme, sera certainement puni de mort. » Et Isaac sema en cette terre-là, et il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme donc accrut, et allait toujours en augmentant jusqu'à ce qu'il fût merveilleusement accru. Et il eut du menu et du gros bétail, et un grand nombre de serviteurs, et les Philistins lui portèrent envie, tellement que, ils bouchèrent les puits que les serviteurs de son père, avaient creusés du temps de son père Abraham, et les remplirent de terre. Abimélec aussi dit à Isaac, « Retire-toi d'avec nous, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. » Isaac donc partit de là, et alla camper dans la vallée de Guérar, et y demeura. Et Isaac creusa encore les puits d'eau, qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, lesquels les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham, et les appela des mêmes noms dont son père les avait appelés. Et les serviteurs d'Isaac creusèrent dans cette vallée, et y trouvèrent un puits d'eau vive. Mais les bergers de Guérar eurent un démêlé avec les bergers d'Isaac, disant, « L'eau est à nous. » Et il appela le puits, Ézé, parce qu'ils avaient contesté avec lui. Ensuite ils creusèrent un autre puits, pour lequel ils contestèrent aussi, et il appela son nom, Sitna. Alors il se retira de là, et creusa un autre puits, pour lequel ils ne contestèrent point, et il le nomma Rehoboth, en disant, « C'est, et parce que l'Éternel nous a maintenant mis au large, et que nous nous sommes agrandis dans ce pays. » Et de là il monta à Bé-Séba. Et l'Éternel lui apparut cette même nuit, et lui dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai, et je multiplierai ta postérité, à cause d'Abraham, mon serviteur. » Et il bâtit là un autel, et invoqua le nom de l'Éternel, et il y dressa ses tentes, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Et Abimélec vint à lui de Guérar, avec Ahuza, son ami, et Picol, chef de son armée. Mais Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez, et que vous m'avez renvoyé d'auprès de vous ?» Et ils répondirent, « Nous avons vu clairement que l'Éternel est avec toi, et nous avons dit, qu'il y ait maintenant un serment avec exécration entre nous, c'est-à-dire, entre nous et toi, et traitons alliance avec toi, si tu nous fais du mal, comme nous ne t'avons point touché, et comme nous ne t'avons fait que du bien, et t'avons, est-ce laissé aller en paix, toi qui es maintenant béni de l'Éternel ?» Alors il leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Et ils se levèrent de bon matin, et jurèrent l'un à l'autre, puis Isaac les renvoya, et ils s'en allèrent avec lui en paix. Il arriva, en ce même jour, que les serviteurs d'Isaac vinrent, et lui parlèrent touchant ce puits qu'ils avaient creusé, et lui dirent, « Nous avons trouvé de l'eau. » Et il l'appela Siba, c'est pourquoi le nom de la ville, a été Beersheba jusqu'à aujourd'hui. Or Esaïtréma, âgé de 40 ans, prit pour femme, Judith, fille de Béri, Étien, et Basmath, fille d'Élon, Étien, lesquels furent en amertume d'esprit à Isaac et à Rebecca.